travers les temps. Si maintenant tu m'entends, j'ai le son dans le sang, je suis un battant. Je pose mon nom, mon plein, ma voix si tu m'entends. J'ai le son dans le sang, je suis trop dedans. À travers les temps, si maintenant tu m'entends, j'ai le son dans le sang, je suis un battant. Je pose mon nom, mon plein, ma voix si tu m'entends. J'ai le son dans le sang, je suis trop dedans. J'ai appris à voir dans le regard de ceux qui pensent avoir. Depuis que j'ai commencé mon parcours dès le début de l'histoire, toutes tes aberrations abrutir à la consommation. Parce que maintenant c'est plus assez lorsqu'on parle juste de passion. À travers les temps j'ai appris à installer ma vie. À traverser les rangs j'ai compris que rien n'est acquis. J'essaie de me placer dans ce milieu où règne l'hypocrisie. Parce que la manipulation du cerveau de l'homme s'agrandit. Et je sais pas si mon album sera calibré selon vos critères. Mais si t'as un minimum sans ces murs, j'ai de la matière. Mon amour propre est destiné à rester pur. Je vends pas mon âme au diable pour faire mon paradis au télégramme. Je regarde les autres monter, descendre comme un divertissement. Je monterai peut-être pas aussi haut, mais je goûterai plus au ciment. Par contre, si toi t'as décidé de te descendre, comme dit la maison, tout vient à point, qui sait t'attendre. À travers les temps, si maintenant tu m'entends, j'ai le son dans le sang, je suis un battant. Je pose mon nom, mon plein, ma voix si tu m'entends. J'ai le son dans le sang, je suis trop dedans. À travers les temps, si maintenant tu m'entends, j'ai le son dans le sang, je suis un battant. Je pose mon nom, mon plein, ma voix si tu m'entends. J'ai le son dans le sang, je suis trop dedans. Je me relève de cette claque qui pour certains me laisserait par terre. Pour ce jugé coupable, c'est ce morceau qui vous fait la guerre. Je vous connais par cœur, maintenant veux me la faire à l'envers. Si tu penses que je suis ce branleur qui débarque, je deviens ton enfer. J'ai 12 piges d'études, de connaissances, de décors, tes cases. Et toujours cette dalle comme un fauve affamé en cage. À travers les temps, je viens imposer mon identité. Où se placent les grands, je viens nettoyer pour y habiter. Depuis qu'il a arrêté de fréquenter la malchance, les temps changent, tout le monde retourne sa veste étrange. Maintenant je me frotte les mains avec mon regard plein de vices. Je viens récupérer toutes ces années volées de sacrifices. Fallait bien que cette saloperie de roue tourne à mon avantage. Désormais ma vengeance se partage. À travers les temps, je déploie ma vie comme un long métrage. Et l'homme a su créer le mot carnage. À travers les temps, si maintenant tu m'entends, j'ai le son dans le sang, je suis un battant. Je pose mon nom, mon plein, ma voix si tu m'entends. J'ai le son dans le sang, je suis trop dedans. À travers les temps, si maintenant tu m'entends, j'ai le son dans le sang, je suis un battant. Je pose mon nom, mon plein, ma voix si tu m'entends. J'ai le son dans le sang, je suis trop dedans. À travers les militants et les fous du pays, j'ai creusé ma route. J'essaie de trouver le juste milieu pour gagner ma croûte. Et j'assume ma discipline à la pointe de ma plume. C'est le retour de la technique du globule noir dans la cune. Je viens déchirer mon premier album. J'ai promis l'or à ma femme, ma famille et une nouvelle donne. Boycotté en 99, maintenant même grave. Depuis que j'ai signé, c'est tous mes refs. Tu sais direct si t'as du buzz ou non. T'as presque droit à baise-main, mais on t'attend en tournant dès le lendemain. La musique me sort de la jungle, de la rue pour celle du showbiz. Dans les deux cas, je me méfie de ce qu'ils disent. À travers les temps, si maintenant tu m'entends, j'ai le son dans le sang, je suis un battant. Je pose mon nom, mon plein, ma voix si tu m'entends. J'ai le son dans le sang, je suis trop dedans. À travers les temps, si maintenant tu m'entends, j'ai le son dans le sang, je suis un battant. Je pose mon nom, mon plein, ma voix si tu m'entends. J'ai le son dans le sang, je suis trop dedans. À travers les temps, si maintenant tu m'entends, j'ai le son dans le sang, je suis un battant. Je pose mon nom, mon plein, ma voix si tu m'entends. J'ai le son dans le sang, je suis trop dedans. À travers les temps, si maintenant tu m'entends, j'ai le son dans le sang, je suis un battant. Je pose mon nom, mon plein, ma voix si tu m'entends. J'ai le son dans le sang, je suis trop dedans. Je suis trop dedans, mec. Ralph, yeah, yeah, super calm news. Yeah, yeah, rap, drone, flow. Nouvelle donne, bonhomme, super calm news.